Mibali tokoluka kaga da moka mopaya ma samba ya kolinga yo Motema na yendeko karazaka esika Alinga kana yemo susu Baboti bapone na ye monoko ya moka Moyanga ninga na miso baboti na yo Obosa ni bapasi tomo ninga na yo Bana seke na bana mwana mama Alfa karamba Wapi Roy Langa na Paris Baboti baponela ye monoko ya moka Moyanga ninga na miso baboti na yo Obosa ni papasi tomo ninga na yo Kala seke na banda mwana mama Os pasia Nazaret Tikali mo semba na moka ya mama Nanya koli nangali susu alfa karabaha Es pa perdi, oh mama yeye Es pa perdi, oh mama yeye Angala tikali mo semba na moka ya mama Nanya koli nangali susu alfa karabaha Es pa perdi, oh mama yeye Oh mama yeye ai Oyanga ringa na zili suma Oyanga ringa na zili suma zabeo Tika gara zabae Mwana mama Tika gara zabae Mwana mama Naleli yeye Angara tika limo zemba na mboka oyo mama Nani ako ringa kali susu Afa karaba Espoir perdu, oh mama yeye. Espoir perdu, oh mama yeye. Aïe, oyanga ninga na zili suma zabeo. Oyanga ninga na zili suma. Oyanga ninga na zili suma roilanga. Tika gana zebae, yenga yenga. Nyakos na putu, wapi kakowa. Nyakos na putu, wapi kakowa ya. Angarati kalimo semba na boka oyo mama Nadia kolinga kali susu alfa karaba Espoir perdi, oh mama yeye Espoir perdi, oh mama yeye Signore, simpatico, capito Now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, repose, repose. Wapi dondo mafuta? Sami Mamusa. Des patres à Paris. Jackson, oh Jackson. Allez, Don Pierrot, Don Pierrot. Maître Lélé, Maître Lélé. Yo Calococo. Ah, tata. Petit poisson, à Lisbonne, à Lisbonne. Thank you. mon trésor, moi la danga ya mobali, que kera mouya zape. Sincérité n'a malo papo yo kali ya moi si nandako, na la mouela mou. Sincérité n'a malo ma boyo kali à moi si nandako n'a la vraie l'amour. Oh, aimez-moi, je t'aime, oh, oh ma colette. Oh, passé, c'était passé. Oh, ma colette. Kanalinga kayo, boyakaka. Oh, ma colette. Chérie, mon amour. Et c'est quoi la mort de ma zame? Posa kakaya kolela. Posa nali moi, mokili. Aimez-moi, je t'aime, oh, oh ma colette. Mina kupenda sana, oh bibi yangu. Muke zola keo, oh kento munu. Chéri mon amour, esengo na mote mazame. Posa kaka ya kolela, posa nalimwa mokili. Et Juju le grand. Oh, Henri Papa, Mondogo, Jean-Jacques Bizouka, chanteur de pouvoir. Oh, Doudou Senga, chérie Ketina à Paris. Picani, c'est solé, c'est solé. Nyakos, le grand Mayas, Nyakos, Nesola, chéri Ketina, Doudou Senga, a chanté de pouvoir. או אלפה קרמבה. Chien berger sans collier, as-tu déjà vu ton maître? Hein? Je t'aime, oh ma colette. Mon passé s'était passé, oh ma colette. Et n'a l'inga kayo, boy a tanga, oh ma colette. Chérie, mon amour, et c'est grand à poste, ma zambé. Bossa kakaya kolela, bossa nani moi mokili. Tama, tama sima, tama, tama tama yo, tama, tama tama, tama, sana, sana, sana kiteki. Uto toma kutu, wapi amula, sheri amula. Cinquante mille lire d'acqua. Signore Lapito, grazie, io sono Lica moia somo poie Baninga boio calisa poco Lica moia somo poie Atata Tuba oh. Você que saranga, e bemeranga, macambo, jonti e seranga, e bebi sabi tema e abato, oh oh oh. Oh na weli inie, na kokamwa, na bebi deli sumu, oh na jonti e seranga, na bomba denge nini, awa na bebi boye. Aguaya Toba Toba Toba Toba Toba Toba Toba Oh bainanga tina tina teo Ose na mipesa zoto na rabu Bakana ye banyango Mawananga Oh bainanga tina tina teo Ose na mipesa zoto na labu Obakana yeye Banyango Mawananga Olingo yango Eponi ekorote Makira seya zoto Solo ekokana Nakolinga yonatina Koto sani bota Bakopo isanga Bomo inanga ya seko mama Olingo yango eponi ekolote Makira seya zoto Solo ekokana Nakolinga yonatina Koto sani bota Boy, Sakaro, boy, Nagara, Sekoma. Chuba! Akwaya! Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba! Nalula kio bingi mwana mboka Nalinga kio bingi mwana mama Nalula kio bingi mwana mboka Nalinga kio bingi mwana mama Panalemba na Paris Zambe Yenda yenda tindali vino ponte Julie Nicole Ariane, Coco Dodo Maputa, Emma Nassi, Lumaliza, c'est pas dit qui a dit. Nadula qui a mingi mwana mboka, Nadika qui a mingi mwana mama, Nadula qui a mingi mwana mboka, Nadika qui a mingi mwana mama, Lele Betali Danda, Marie Banigana, Roxy Betali Danda, Pisele Banigana, Yenga Yenga Zemba Bayoka, Pisele Banigana. Pousse, pousse, zemba, zemba, zemba, zemba, bayoka, bayoka, eh. Nalula kio mingi mwana mboka, Nalika kio mingi mwana mama, Nalula kio mingi mwana mboka, Nalika kio mingi mwana mama. Nele beta ni dada, makutu wa ningana, Alfa karamba bina, eh, Roi langana pari, eh. Naleli, naleli, naleli, naleli, naleli, naleli, eh. Nalula kio mingi mwana mboka, Nalika kio mingi mwana mama, Nalula kio mingi mwana mboka, Nalika kio mingi mwana mama. Yenga yenga zemba bayoka, eh. Oh, Junior. Roxy na biso beta linanda, Barie ningana mama, Afa karamba wapi loka, eh. Na ye misanya kose, Wapi koko waya sami sase, Kuna na parie. Nalula kio mingi mwana mboka, Nalika kio mingi mwana mama, Nalula kio mingi mwana mboka, Nalika kio mingi mwana mama. Mafuta Lema Nasi Le coque chante en tine le bino pote La Katia Panama Pula Signore simpatico Puse la pito Ay, ay, ay, ay Oh, petit poisson Lisbonne, Lisbonne C'est qu'elle est Alvaro Hugo! Nalula kio bigi mwana mboka Nalinga kio bigi mwana mama Nalula kio bigi mwana mboka Nalinga kio bigi mwana mama Soro papel mwana mama Grace Adamson Kuse Alpon de Rigoe Bambi na Parie Nalula kio bigi mwana mboka Nalinga kio bigi mwana mama Nalula kio bigi mwana mboka Nalinga kio bigi mwana mama Nalbi proje boleba Aria sana Parie Kikusi lukanza Jede o makuta mama Nalule Batra na parie Sami mamusa yoyo Nalule kio mingi mwana mboka Nalika kio mingi mwana mama Nalule kio mingi mwana mboka Nalika kio mingi mwana mama Jipe serfa zame Robos dodo makuta e Wapinya kose koko waya Na pari zame o Nalule kio mingi mwana mboka Nalika kio mingi mwana mama Nalule kio mingi mwana mboka Pas de problème, Mère Dada. Pas de problème. Il est juste terrible. Roy Langa en direct de Paris. Madame Colonna Monayo, DXL, yo azora retourne à château d'hiver dans mon témaraka. Mosque Oyona Samera Kayo, pourquoi ils sont au coupé, ma belle et mon coupé. Mon trésor caché, la ligue n'a yéba vérité na yo. Bon azara sil, na poi na yo pa banzoto, na po wana. Zala sincère, bate la galocola, fleur d'été, yo amanie. Roxy, le grognon, Betta Linanda. L'amour est bon, papa, cabo et béné. La vie, c'est qu'on paye à ma voix. Koyo, cabana, vite. Pako, kosa, yo. Oliga, tera, misa, la ma paix. Peyo, kuba, na mo. Kouze, aya, boliko. Na mo, tera, na yo. Oh, Lopez Lombina, Geneva. Na kozonga, kore la te papi konga. Gana yo, mama. Na kozonga, kore la te papi konga. Gana yo, mama. Epa yo zalie, kaya wana tika li na mawara. Kini mboka tembe, na kobanga likumu. Na leli, na leli, na leli, na leli, na leli, mwana mama. naleli naleli naleli oh ilanga na Paris na kozonga kure na te papi konga gana yo gana yo mama na kozonga kure na te papi konga na kozonga selak sezala na mama Misha di sasi Alpha Caravae Famingo ina Paris Los Saco izezola Ona kozonga bambaye Gaina kozonga na Paris na kozonga kolela te papi konga Gana yo gana yo gana yo mama Oklenyo na Paris kamse kamasa Suga Claude Madiango abe Bisouka, du maringo na Paris. Pues c'est ça les zola, moi la mama. On a kozonga, zonga, zonga, mama. Kana kozonga, zonga, zonga, mama. Tikanga la zemba, na kozonga, gorilla te, papi konga. Gana yo, gana yo, gana yo, mama. Oh, Ricky Bemba na Paris. Alex Zola et Misha Di Sassi Alpha Caramba, chantez de vous voir. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Maître Lélé, chantez de vous voir. Odyssée. Okams, Kamasa, Suga. Yenga, yenga, tite lio pote pingi. Abe Bizuka, Dumaringo. Oba. À l'accompagner Casino Salex Zola Petit Edan Toxine à Paris Mongenzo à chanter des pouvoirs Kolela te chérie na kozonga, kozonga alfa karama eti datoxie kams kamisa wapi sufere kole la te sheri na kozonga kole la te sheri na kozonga klobe bien bien go a baby zuka tu maringo kole la te sheri na kozonga mama kole la te sheri na kozonga kole la te sheri na kozonga. Yo